Voilà, frères et sœurs bien-aimés, c'est sûr que nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons toute l'histoire de l'Église, tous les témoignages qui ont traversé les siècles, qui nous font savoir que Jésus était vraiment le Messie, qu'il était vraiment celui qui avait été annoncé par les prophètes, qu'il était vraiment Dieu. Mais il faut imaginer la population de Galilée à ce moment, au moment où Jésus justement arrive. Et Jésus vient d'être baptisé dans le Jourdain, alors nous allons fêter cette fête dimanche. Mais tout de même, eh bien, nous nous préparons à cette fête en regardant tout ce qui s'est passé après. Donc Jésus, vous vous souvenez, a été baptisé au Jourdain et il y a eu les cieux qui se sont ouverts, la voix du Père qui s'est fait entendre, la colombe qui est descendue sur lui, enfin toute la Trinité qui s'est manifestée. Tout le monde est subjugué devant cette manifestation, cette épiphanie. Et ensuite, il est parti, immédiatement poussé par le Saint-Esprit. Alors, à partir de ce moment-là, vous voyez, Jésus, qui était déjà habité par l'Esprit-Saint depuis toujours, est poussé par l'Esprit dans sa mission. Et le début de sa mission, c'est d'aller au désert. Il passe 40 jours au désert, il est tenté par Satan, ça ce sera le début du carême. Et puis ensuite, il sort du désert et il commence à prêcher. Et aussitôt qu'il sort du désert, eh bien, sa renommée se répand dans toute la région. Il y a une force mystérieuse qui se dégage de lui, comme si aussi toutes les personnes qui l'entendaient étaient saisies elles-mêmes par l'Esprit Saint, comme si l'Esprit Saint envoyait des cartons d'invitation pour dire allez le voir. Et tout le monde arrive pour écouter Jésus et on le suit de partout et on apprend qu'il passe par-ci, par-là. Et petit à petit, Jésus remonte assez rapidement jusqu'à Nazareth, sa ville natale. Là, tout le monde le connaît, ce Jésus, à Nazareth. On l'a déjà vu depuis tout petit. On le connaît, on l'a vu grandir. Et il arrive, il entre dans la synagogue où il a l'habitude de prêcher. Il entre dans toutes les synagogues et il prêche aux Juifs. Il prêche à son peuple. Il entre dans la synagogue, c'est le jour du sabbat. Et il se lève pour faire la lecture. Et oui, c'est Yeshua qui va faire la lecture, on le connaît bien, on sait qu'il est très sage. Mais à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui a changé. On lui tend le livre d'Isaïe, il déroule le rouleau, vous savez, c'était des rouleaux, et il cherche le passage qui le concerne au premier chef. Bien sûr, tout parle de lui dans Isaïe, mais il cherche ce fameux passage qu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction ». Il dit ce passage qui désigne parfaitement le Messie, celui que tout le monde attend. Et tout le monde sait que ce passage de l'Écriture parle du Messie. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Tout le monde écoute Jésus parler, lire ce passage, et il se passe quelque chose de mystérieux dans la synagogue de Nazareth. On sent bien que lorsque Jésus lit ce passage, ça n'est pas lorsque le rabbi habituel le lit. Ça n'est pas du tout pareil. Il se passe quelque chose. Il y a une puissance qui sort de la voix de Jésus, comme si cette parole venait du tréfonds de son être. Il referme le livre, il le rend au servant et tout le monde a les yeux rivés sur lui. Et à ce moment-là, Jésus se lève et dit « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Autrement dit, celui dont je viens de parler, celui qui prononce ces paroles dans le livre d'Isaïe, c'est moi. Je suis le Messie. Et il va comme ça proclamer devant tout le monde son identité, qu'on percevait, qu'on doutait. Mais voyez, les hommes ont du mal à croire que Jésus soit vraiment le Messie, que Jésus soit vraiment celui qui a été annoncé, celui qui doit sauver Israël, celui qui doit sauver le monde. On a du mal à croire que ça y est, il est arrivé et c'est lui, celui que nous avons vu grandir. Alors voyez, Jésus a besoin de dire ça et à ce moment-là, tout le monde lui rend témoignage, tout le monde est stupéfait des paroles de grâce qui sortent de sa bouche. D'autant plus stupéfait que comme on le connaît, on sent bien qu'il y a quelque chose de changé, quelque chose de nouveau, même si Jésus est toujours le même, qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est le début de la mission du Christ et nous devons nous-mêmes nous laisser toucher par cette puissance qui sort de Jésus. Parce que, vous voyez, tous les hommes et les femmes de notre temps sont un peu comme les gens de Nazareth, ils doutent. Ils doutent, on leur a parlé de Jésus peut-être depuis longtemps. Beaucoup d'hommes et de femmes ont entendu parler de Jésus, pensent le connaître. Mais ils doutent vraiment que Jésus soit vraiment cette puissance divine qui vient sauver le monde. Que Jésus soit vraiment tout puissant, qu'il soit capable de les sauver. Ça, c'est le grand drame. Je le vois quand je discute à gauche et à droite, chez les uns et chez les autres. Eh bien, voyez, il y a comme une peur de se jeter dans la mêlée de la foi. Une peur de s'abandonner à Jésus parce que, comme un doute sur la réalité de cette toute-puissance qui est en lui. Alors, eh bien nous aujourd'hui, alors que nous célébrons l'Eucharistie, que nous allons voir Jésus descendre sur l'autel, qu'il va se donner à nous, eh bien, puissions-nous faire l'acte de foi et l'accueillir vraiment comme le Tout-Puissant, le Messie qui vient sauver le monde, en le suppliant de venir en nous pour que les hommes et les femmes de notre temps, ou ceux qui sont autour de nous, puissent voir à travers nous que cette parole est vraie, que tout ceci est vrai. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.